Presque tous les ouvrages qui honorèrent ce siècle étaient dans un genre inconnu à l'Antiquité. Le Télémaque est de ce nombre. Fénelon, le disciple, l'ami de Bossuet, et depuis devenu malgré lui son rival et son ennemi, composa ce livre singulier qui tient à la fois du roman et du poème, et qui substitue une prose cadencée à la versification. Il ne fit cet ouvrage que lorsqu'il fut relégué dans son archevêché de Cambrai. J'ai vu son manuscrit original. Il n'y a pas d'irature. Il le composa en 3 mois. On prétend qu'un domestique lui en déroba une copie qu'il fit imprimer. Si cela est, l'archevêque de Cambrai dut à cette infidélité toute la réputation qu'il eut en Europe. Mais il lui dut aussi d'être perdu pour jamais à la cour. On crut voir, dans le Télémaque, une critique indirecte du gouvernement de Louis XIV. On peut compter, parmi les productions d'un genre unique, les caractères de la Bruyère. Il n'y avait pas chez les anciens plus d'exemples d'un tel ouvrage que du Télémaque. L'art délicat de répandre des grâces jusque sur la philosophie fut encore une chose nouvelle, dont le livre « La pluralité des mondes » de Fontenelle fut le premier exemple. Il faut ajouter à ces nouveautés celle que produisit Bayle, en donnant une espèce de dictionnaire de raisonnement. C'est le premier ouvrage de ce genre où l'on puisse apprendre à penser. Au reste, en plaçant ici Bayle parmi les auteurs qui ont honoré le siècle de Louis XIV, quoiqu'il fût réfugié en Hollande, je ne fais que me conformer à l'arrêt du Parlement de Toulouse qui, en déclarant son testament valide en France, malgré la rigueur des lois, dit expressément qu'un tel homme ne peut être regardé comme un étranger. Suit alors une présentation très pertinente d'auteurs du XVIIe, en général plus connus, Corneille, Racine, Molière, Boileau, La Fontaine, et Voltaire, de conclure ainsi son siècle de Louis XIV. Voilà, en général, un tableau fidèle des progrès de l'esprit humain chez les Français dans ce siècle qui commença au temps du cardinal de Richelieu et qui finit de nos jours. Il sera difficile qu'il soit surpassé, et s'il est en quelque genre, il restera le modèle des âges encore plus fortunés qu'il aura fait naître.